nous soyons là près de la croix. La vie la plus précieuse a été sacrifiée ce jour-là. Donné en sacrifice pour des bénéficiaires. C'est ça qui le colla et comme ceux qui choisissent de croire cette voix. Pour n'avoir de rien pour n'accolant n'entendre rien. De croire ce message. N'accondima qu'à sangoyo. De croire cette œuvre. N'accondima qu'à musala oyo. Dieu vivant et rédempteur. Zambé oyabomo yosikoli. Devenu homme pour goûter à la mort. Omaka moto pour n'accolant pour la loi. Une mort profitable à ceux qui croiront. Loi vous allez comprendre les tombes n'abomo n'accondima. Laisse que nos âmes demeurent là à la croix. Tikete moira misoye kizalawana pendima. Et que ce jour-là au calvaire. Ete mukolongo na kalvalio. Une journée que Dieu avait fait. Mukolongo ntamba salaki. Soit un mémorial pour chaque racheté, que ce soit un sujet de consolation et de méditation. Car en ce jour-là, la question du péché a été résolue une fois pour toutes. Tu ne peux plus peiner ni te débrouiller pour la délivrance. Christ t'a donné la délivrance. Par la foi, les chaînes tombent. Les liens sont déchirés. Les enfantements sont détruits. Les maladies sont écrasées. La mort est vaincue. La tombe n'a plus de pouvoir. L'enfer tremble. Il est à se mettre à genoux. Parce que le Seigneur est suprême. Et son œuvre est incontestable. Rien ne peut renverser ce que Dieu fait. Notre Sauveur est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là au calvaire. C'est un jour que Dieu a fait. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi maintenant, tels que nous sommes, au nom de Jésus-Christ, priant que tu nous accueilles, que tu reçoives nos prières, et tu entends les besoins de nos cœurs, et tu fasses descendre la colonne de feu, l'onction de la Pentecôte, l'onction messianique, l'onction du Seigneur lui-même, nous en avons soif et besoin, oublions-nous dans l'église, Seigneur, dans l'âme de chacun de nous. Nous voulons la présence du Seigneur. Dans cette présence qui ne fait jamais défaut. Que cette présence nous accompagne. Nous bénisse. Nous fortifie. Puissamment. Et que la puissance de ton œuvre soit ébranlée. Roi Dieu, le grand roi. Grand, le petit et le grand javelot. Monte sur ton char. Pour chasser tes adversaires. Faire la confusion dans les rangs. Que toutes les armées soient dans les ténèbres. Le complot de l'ennemi soit détruit. Chaque maladie soit écrasée. Pour que Dieu triomphe encore, Seigneur. Que le feu divin s'allume. Ici dans la salle. Et dans l'église, dans nos cœurs. Le feu divin nous en voulons. Pour nous réveiller d'ici. Et nous attacher au Dieu vivant. Fortifie chacun. Et parle à chacun. Édifie notre foi. Élève son niveau. Manifeste nos voix. Et des miracles encore. Exauce chaque prière. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de vérité. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans la Bible de Kutsantou. Malachie chapitre 4. Malachi Mukapweminei. Nous prenons le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Tala, ngaïde à côté de l'abino, Moussakoli Elia. Liboso na koya na mokolo monene mpe na somo na Yahweh. Akobongola mitema na batata epai na bana mpe mitema na bana epai na batata na bongo yete na ya mpe na beta mokili na ekeli mabete. Matthieu 17 Matayo mukapo zomi na sambo le verset 10 longo ya zomi a 13 kino zomi na misato. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Baekoli batuni ete pona nini bakomeli bazali koloba ete ekoki ete Elia aya liboso ye azongisi ete Elia zali nde koya mpe akobongisa makambo nyonso nde nazali koloba na bino ete Elia asili koya nde bayebaki ete kasi basalelaki ye lokola elingaki bango bongo mpe mwana na moto akoyoka mpasi na maboko na bango na tango yango bayekoli bakati ntina ete azalaki koloba na bango mpona Yohana Mobatisi. Acte des apôtres chapitre 3 misala na bantoma mukapona misato le verset 19 à 21 mulongo azomi na libwa kino na tukumi mbale na moko donc non même à partir du verset 17 et maintenant frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Mpesa saipi, bandeko, naibete bosala kibongo, po bozanga kiboyebi. Loko lampe, esali mikolo, abeno. Nde nzambe akokisi boye yango esakolaki ye na minoko na basakoli nyonso liboso ete Kristo na ye akomona mpasi na bongo bongola mitema mpe butwa ete bopetwa na masumu ete tango na kopeba euta na nkolo mpe ete atinda Kristo oyo aponameli bino ye Yesu ekoki ete awumela na likolo kino tango na kokokisama na makambo nyonso yango elobaki Nzambe na minoko na basakoli na ye na bule longwa na kalakala. Somme 118 verset 24 ndembo mukama zomi na mwambe mulongo etukumi bali na minei. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oyo etali mukolo mosalami na Yahweh, tika yete to sepela mpe to zala na esengo kati na yango. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanga eloba na ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bokoki kovanda na kombo na nkolo Jésus-Christ. Notre roi éternel. Mokonzi na biso bienvenue à la table du Seigneur. Oui, malamu na mesa ya nkolo. Et que le bonheur de la maison de Dieu soit avec chacun de vous. Et que le Dieu de grâce vous multiplie ses faveurs. Nzambe na ngolo ko na kopesa ko fitu bino ko tuna bino. Amour pour son nom. Na tina na bolingo na epona ko na ye. Votre amour pour son évangile. Na tina na bolingo na bino pona sango malamu na ye. Ça je promis du temps de la fin. Sangoyo et la kama kina sango na suka. Nous prions que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous exauce. Que Dieu vous secoue. Et qu'il vous fortifie. Nous avons une question ici que j'ai trouvée sur le pupitre ici. Cher pasteur, Élie dont Matthieu 17, verset 11 parle. Elia, oyo matayo, muka prezumina sambo, mwongwa zombi wa tenikoloba. Est-il le même que celui dont parlait Marc 9, verset 12 à 13? Azaleye wana moko moko, oyo malako muka po, yalibwa mulongo. Le frère a signé de son nom. Ndekwa komina komaye. Une note à la fin. En rapport avec la prédication du vendredi 10 juin 2022. Et nous sommes justement en train de poursuivre la même prédication du vendredi. Autour de la première commission de William Branham, la première commission ministérielle de William Branham. Nous avons déjà examiné son appel à l'âge de 7 ans, tout petit. Et c'était un appel au Nazireat pour une œuvre à accomplir, une œuvre étrange et inouïe. Lui devait également accompli grâce au Seigneur Dieu de sa vie, de son salut, quand il serait plus âgé. Alors, le 11 juin 1933, nous avons un peu sur cette date ce matin, Dieu voulant, nous avons mis au tableau, et on a dit le 11 juin, première commission ici. Mais ce matin, nous allons éprouver la même date du 11 aussi. Car la date du 11, nous devons l'éprouver. Êtes-vous d'accord? Oh, vous dites, mais comment? La Bible dit d'examiner toutes choses. Nous ne sommes pas des fanatiques en train de gober tout. Nous sommes des croyants bibliques. Nous avons la promesse de la restauration. Au temps de la restauration, Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Des fois, quand certaines choses ne sont pas confrontées ni examinées à fond, les enfants de Dieu ne sont pas correctement enseignés à ce sujet, un petit vent peut tout bousculer. Et les doutes peuvent s'agrandir en quelques jours. Alors, il nous faut tout examiner. Et amen. C'est amen. Amen. Alors, vous verrez les raisons. Bon, comment on a dit ça n'a rien là. Vous verrez vous-même les raisons. Pour comment on a dit non encore? Et que ça vaut la peine. Et que ça n'a rien. Les affaires de notre père, nous devons les traiter d'après la parole. Ma cambo, il y a certains abus que c'est que les trucs qu'on a constaté en haut, dans le psaume 118, le verset 24 que nous avons lu. Ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, au sujet de cette date ici, pouvons-nous dire vraiment que c'est la journée que l'Éternel avait faite? Toutes les choses qui sont dites en accord avec cette date-là. En parlant de cette date, il est fait mention du Seigneur. Il est impliqué à cette date-là. Notre témoignage au cours des décennies. Dans plusieurs assemblées de messages, il en est question. Et dans la même date, il est fait mention aussi de William Branham. Est-ce vrai que c'est à cette date-là? William Branham et le Seigneur ont croisé leur destin? William Branham pour l'événement et les choses qui nous sont annoncées en accord avec la rate, il faut que nous ayons la réponse et que ce soit conforme à la parole. Alors, mais avant même d'aller traiter ces questions, il y a une question que je trouve sur la chair. Est-ce que l'Élie dont Matthieu 17, 11 parle? Elia au matin mon capo zo mina sambo molongo zo mina ekolo. Est-il le même que celui dont il est question dans Marc 9 verset 12 à 13? Ezali moko moko oyo malako mon capo ya libwa molongo zo mina mi balelo mina sambo ekolo bela. Je veux répondre par oui. Nazali ko pesa ya nonanzela ekolo bete iyo. Pour une raison de comparaison. Prenons d'abord Matthieu chapitre 17. Avant le verset 11 dont il est question dans la question de notre question. Il est dit ceci au verset 1er d'abord et puis le verset 9. Verset 1er. Verset 1 et 2 d'abord. 10 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. L'événement a eu lieu sur une haute montagne. Après cet événement, quel est le récit qui suit? Verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et c'est après son verset 9 une question des disciples a surgi au verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors Jésus répondant à la question des disciples et non pas de notre frère. Yes, na ko pesa kabiya no na ba ekol na ye ya ndoko na misaka. Il est dit au verset 11. A pesa na mulongo ya alobi na mulongo asobi na moko. Il est vrai que lui doit venir. Et ce n'est pas le fait Elia et ce n'est Elia. Il ne dit pas il est vrai que lui devait venir. Il dit que Elia et ce n'est Elia akoya. Mais Eli doit venir. Et ce n'est Elia akoya. Et rétablir toute chose. Donc la venue de lui est obligatoire. Et ceci est une vérité absolue de la Sainte Bible. Et parce qu'elle est obligatoire cette venue, aucun croyant biblique ne devrait s'amuser à douter de cela, ni à minimiser cela, ni à ignorer cela, ni à vouloir contourner cela. Ou croyant biblique, vous n'avez raison à la parole de la Bible. Jésus a dit, il est vrai, yes, que lui doit venir. Elia, c'est Elia. Et on, comme aujourd'hui, moi, je peux vous dire, il est vrai, Jésus-Christ doit venir. Jésus-Christ, quand je dis ça, ça vous donne quelle idée? Que Jésus viendra, ou bien nous essayons de relativiser sa venue, une façon de parler, il est vrai que Jésus-Christ doit venir. Jésus-Christ akoya. Est-ce que c'est une façon de relativiser cet événement? Parce que juste après ça, si moi je vous parle aujourd'hui, et je vous dis, il est vrai que Jésus doit venir. Jésus akoya. Et ensuite je vous dis, mais que Jésus est déjà venu. Yes, ça y est. Et vous savez dans vos consciences. Nabi, vous il est déjà venu. Et à faire. N'est-ce pas vrai? Et ça, n'est-il pas vrai qu'il est déjà venu? Oui. Et ça, mais quand je vous dis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec vous. Il est vrai que Jésus doit venir. Est-ce que cela annule l'espérance de sa venue? Est-ce que cela relativise le fait qu'il va venir au futur? Vous êtes conscient qu'il doit venir. Vous avez société, c'est que cette vérité-là est indiscutable. C'est le langage que moi j'utilise aujourd'hui. C'est le langage que Jésus-Christ a utilisé dans Matthieu 17. Au moment où il était sur la terre, quand il était sur la terre, il est des disciples. Attends, il lui a posé la question. Bon, et il a répondu. Il est vrai. Il y a que lui doit venir. Et rétablir toutes choses. Maintenant, il poursuit au verset 12. Mais je vous dis. Que lui est déjà venu. Elie a saillé. Elie doit venir. Elie est venu. Et rétablir toutes choses. Mais je vous dis. Que lui. Et au verset 13, les disciples comprirent alors qu'hier parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était effectivement déjà venu. Il y a et trois chapitres avant le chapitre que nous lisons 17 ici. Mais chapitre 14 de Matthieu, la fin de Jean-Baptiste était même mentionnée. Souka Jean-Baptiste à la demande de la fille du roi. Il était même déjà mort. On ne peut pas où Jésus disait ces choses. Jean-Baptiste, déjà mort. Et même enterré. Bon. Voilà que ça fait actualité avec quelqu'un. Jésus vient dire, il est vrai que lui doit venir. Et rétablir tout chose. Entre temps, Jean-Baptiste, déjà mort. Déjà sous terre, enterré. Mais il est vrai qu'Elie doit venir. Et rétablir toutes choses. Il suffit d'ignorer ce petit détail que j'ai mis en parenthèse, de sa mort, son enterrement, au moment où Jésus parlait dans Matthieu 17, pour que vous puissiez tirer une autre conclusion, comme certaines dénominations qui manipulent à tort ce passage. Et Sengeli Kobosana, le roi, ou une autre coloba, ou n'attaque n'a pas beaucoup comme qui est et à ce qu'il a koufi, paix, ou qu'on a kotana, ou batamibongsi le balobaka. Que ceci vous aide à voir comment la vérité et le mensonge sont proches. Oui, et qu'on a kota, il s'amène à télé, boni boni, un petit détail et vous tapez droit à côté. Comment on n'a pas mal, comme on n'a pas ok, mon pandi. Il suffit d'ignorer qu'au moment où Jésus disait ces choses. Et Sengeli Kaka, oh, Bosana, oh, yo, déjà mort et enterré. Yes, au moment où les disciples ont compris alors que cela parlait de Jean-Baptiste, cela était déjà dans la tombe. Mais pas savoir ça a amené certains ecclésiastiques et même les théologiens à Jésus a dit il est vrai que lui doit venir. Mais Jésus a poursuivi, il a dit je vous dis il est déjà venu. Ensuite la conclusion c'est quoi? Les disciples ont compris que c'était Jean-Baptiste. Et il conclut en disant c'est Élie qui doit venir dont Jésus a parlé. Il établit toute chose. Et le Élie qui était déjà venu. C'est Jean-Baptiste. Or ça c'est faux. Donc, ce n'est pas ce que dit ce passage. Quelqu'un qui dit ça est dans la confusion. Il ment. Nous ne pouvons ni l'écouter, ni le soutenir. Il ment et il veut faire mentir la Bible. Le Élie qui doit venir est un autre Élie. Et le Élie qui était déjà venu est un autre Élie. Élie, il s'agit de deux Élie différents. Voilà, on a dit qu'on a deux Élie. Mais toi, venu, au moment où le premier qui était déjà venu était déjà entré. Natango, il y a l'Iboso, à Kundamaki. Donc, le premier Élie, il s'est compris qu'il était déjà venu, et il était déjà enterré. Et il y a l'Iboso, il y a l'Iboso, il y a l'Iboso, il y a l'Iboso. Mais Jésus annonce au temps présent, après l'annonce de Jean-Baptiste, un Élie qui doit venir, pour rétablir toute chose. Mais il n'est plus Jean-Baptiste qui doit venir. C'est un autre Élie qui doit venir. Amen. Lisez bien votre Bible. Amen. Mais ne vous laissez pas embrouiller par les mensonges. Ils ne connaissent ni les choses de Dieu, ni la vérité. La question de notre frère, c'est de savoir si ce Élie-là de Matthieu 17, verset 11. Est le même que dans Marc, chapitre 9, verset 12 et 13. La réponse est oui. Il y en a rien que parce que regardez, nous avons comparé le début du récit, le début de l'événement, comment on a rapporté l'événement à son début. Jacques, Jean, et Pierre, il a amené sur une autre montagne. Et là, un événement s'est produit, il s'est transfiguré devant eux. Pendant qu'il descendait de la montagne, la question des disciples surgit. Voyons dans Marc si c'est le même événement. Si c'est le même contexte. Dans Marc chapitre 9, verset 2 et 3, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il est conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de verre resplendissants. Et dit-elle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. C'est clair? Est-ce que Matthieu a-t-il rapporté la même chose comme cela? Il a commencé par 6 jours après. Est-ce qu'on avait dit à Matthieu 17, 6 jours après? L'église. Ecclesia. 6 jours après. C'est au verset 1 là. Jésus, il a pris à l'écart avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Là, dans Matthieu 17, les personnes que Jésus avait prises pour aller avec lui. Est-ce que les trois qui sont cités ici? Actuellement, les mêmes personnes? Bon. Bateau, moi, comment quoi? Pierre, Jacques et Jean. Pételo, Jacobo. Normalement, les mêmes personnes. Bateau, moi, comment quoi? Bien sûr. Y'a solo. Ensuite. Nassima. Il les a amenés sur une haute montagne. Amen, maki, bango, nango, mamo, la Matthieu 17. Na matin, moi, comment là où Jésus a amené les trois personnes. C'était sur une autre montagne. Ok. C'est le même événement qu'il a porté. Ben, il y a un moment et ensuite, là, sur la haute montagne. Nassima, kuna, nango, mamo, la il s'est transfiguré devant eux, devant les trois personnes ici. Est-ce que Matthieu a-t-il dit la même chose? Ok. Il s'agit donc du même récit, un même événement dans un même contexte, au même endroit, par les mêmes témoins. D'accord? Verset 9. Comme il descendait de la montagne. Après cet événement, Matthieu a-t-il rapporté qu'il y a eu une question qui va surgir pendant qu'il descendait de la montagne? Est-ce pendant qu'il descendait de la montagne? Comme il descendait de la montagne, Jésus le recommanda. De ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Est-ce que c'est la même chose dans Matthieu 17, verset 9? Matthieu 17, verset 9 égale Marc 9, verset 9. Jonction. Ça dit exactement la même chose. C'est que la suite, hein? Attention. Oh, yo, alors, Mayango? Au verset 11, c'est là où il y a la question des frères. Non, non, la question des frères vient au verset 12. Mais là où dans Matthieu 17, au verset 10, les disciples ont posé la question, le verset 10 de Matthieu 17 concorde avec le verset 11 de Matthieu 9 et de Marc 9. Mulongo ya zomi ya matayo zomi na sambu zali kukukana na mulongo zomi na moko na malako mkapo. Les disciples lui posèrent cette question. Ba yeko ni batuna ke mutuna oyo. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Pona nini bakomeli bazali koloba ka ete sangeli Élie azali boso. C'est la même question qui est dans Matthieu 17 verset 10. Ezali mutuna moko moko ezali na matayo mkapo zomi. C'est le même texte. Dans un même contexte, par les mêmes personnages, au même endroit, c'est-à-dire à la descente de la montagne, et le sujet d'un même événement. Alors, au verset 12, réponse qui correspond à la réponse de Matthieu 17, verset 10. Et il y a nos amis Kokokana, na matin ou caprajon, na verset 11. La réponse que le Seigneur qu'il a donnée. Et il y a un qui na matin ou avec des nuances de temps différents. Et il a répondu, verset 12. Élie viendra premièrement. Élie a quoi il bosso? Mais dans Matthieu 17, verset 11, il est dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Et rétablir toutes choses. Mais ici, c'est clairement dit au futur. Élie fera quoi? Alors, si quelqu'un a mal compris l'expression, il est vrai qu'Élie doit venir, qu'il corrige son entendement. La meilleure façon de comprendre comprendre aussi par là que Élie viendra. Élie qui est annoncé viendra au futur. Pendant que Jean-Baptiste était déjà mort et Élie viendra. Élie akoya. Premièrement. Akoya liboso. Et rétablira tout chose. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Yango ne zali kolumbolete. Zali solete li akoya pe. C'est une obligation prophétique. Alors les questions qui suivent, pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Ce dernier verset qui est dans la question du frère n'était pas concordant avec Matthieu chapitre 17, hein? Ici au verset 12. Awa, na mulongo, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Marc dit ils l'ont traité comme ils ont voulu. Selon ce qui est écrit de lui. Matthieu dit, rapporte la même chose. Les phrases, les mots peuvent être comme un peu différent, mais attention, la pensée est la même. La vérité de fond est la même. Le changement des verbes des mots ne vous égare pas. Vous devez saisir de quoi il est question là. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Marc dit, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Matthieu dit, ils ne l'ont pas reconnu. C'est la même situation. Parce que s'il l'avait reconnu, il n'aurait pas traité n'importe comment. Il aurait reçu en qualité de prophète. Mais pour ne l'avoir pas reconnu, ils l'ont traité n'importe comment. Ils ont voulu. Miséricorde. Mawa. Élie est déjà venu. Élie. Mais ils l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. C'est qu'affirme Matthieu ici, de même que le fils de l'homme souffrait de l'épargne. C'est ce que Marc lui formule sous forme de question. Pourquoi est-il écrit du fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Yango, alors, vous voyez par là que les rédacteurs de la Bible se complètent. Mais la vérité de fond dans les événements est la même. La variation des mots ne change pas la vérité du fils. Et quand vous examinez et éprouvez, vous devez retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5 vous l'a dit. Vous n'allez pas vous lever pour commencer à contredire Dieu. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 22, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il a dit amen. Alors, dans les deux chapitres, Matthieu 17 et Marc 9, il est en question d'un même événement, de la transfiguration de Jésus-Christ sur une haute montagne. Et après cet événement-là, pendant qu'il descendait de la montagne, avec les trois témoins choisis, les disciples ont posé une question. Et Jésus a répondu. La question touchait sur la venue d'Élie. Et dans sa réponse, nous retenons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef suprême de l'Église chrétienne. Il y a deux venues d'Élie. Il y a un Élie qui était déjà venu au moment où eux, ils descendaient la montagne là. Et il y a un autre Élie que Jésus nous promet. Il devait revenir prochainement. Et c'est donc au temps de la fin. Avant son autre venue de lui Jésus. Quand il est venu la première fois, il a beaucoup souffert. Quand il reviendra la seconde fois lui Jésus, il ne souffrira pas beaucoup. Que le temps de souffrance sera passé. Mais il va accueillir le résultat de son travail. Avant qu'il ne revienne comme ça dans la gloire, un autre Élie devait venir et rétablir toutes choses. Et c'est ce que nous avons placé sur la ligne des temps là-bas. Le vendredi, dans la prédication de vendredi, nous avons essayé de situer ça sur la courbe des temps. Nous sommes partis de l'an moins 4 jusqu'à l'an 31 où Jésus fut créé. Nous avons fait notre comptage à partir de l'an 0. Nous à peu près vers l'an 33. Non pas 1933, mais l'an 33. Beaucoup d'années, des siècles se sont écoulés. RDC, votre pays, il existait sous la tutelle des Belges. Il était appelé à cette époque-là l'État indépendant du Congo EIC. C'était une propriété privée du roi Léopold II. Le roi Léopold qui était là des Belges. Léopold, il prenait le Congo comme étant un bien privé, comme sa parcelle. Abanda kozwa Congo lokola lopango na ye. Vous comprenez un peu ça? Tous les Congo, tous nos ancêtres qui étaient là, comme ces esclaves, ils pouvaient en faire tout ce qu'ils voulaient. Les bras de quelqu'un, mais le ventre d'une maman, Jouer quelqu'un gratuitement comme ça. Parce que nous étions dans sa parcelle. Tous les Congo, tous les pays ici. C'est sa parcelle privée. Et ça qui le pongo na yemoko. Il dit État indépendant du Congo. Évangéliser ces autochtones là jusqu'à la moelle. Afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices qu'ils voulaient faire subir. Donc sangwa koko sa nyonso bako sala yo mundimi kaka to sakata. Sangwa za mokonzi. Qui est justice ou pas? Allez, l'évangile a été dit. Si tu riposes, tu vas la faire. Tu dois te soumettre. Le serviteur de Dieu, il a l'autorité. On peut prendre même son père. Ton père, on est allé sur sa tête. Alors pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais un nègre ne pouvait pas faire ça à un belge. Et c'est comme ça que nous étions évangélisés. Est-ce que ça c'est l'évangélisation? Des tortures de ce niveau-là? Et des assassinats programmés? Non frère! Ça n'avait rien à voir avec l'évangile! C'est une bande d'escrocs! Avec la Bible pour prendre les familles! Ils sont venus avec la Bible pour voler les richesses du Congo. Bah, y a la Bible pour n'acquérir pas mon nom sur Congo. Et c'est comme ça que les cathédrales catholiques ont été construites. Et à moi, la bande qui nous soit tombé pour tomber ma vie. Moi, congolais, d'aller prier là-bas. Bon, y a des sangs congolais là qui ne vont commander la bonne. Ça me la bonne. Soyez sérieux. Pour la sème, ouais. Tous ces bruits qu'ils font là-bas. Ma question, nous sommes là, hein. Mais ça n'a rien à voir. Et ça ne veut commander. Vous avez vu beaucoup de bruit ici. Vous n'avez qu'à aller là autour de la CENI. De la CENI. Le vrai problème, ce n'était même pas tout ça. Les Kamboya Solo, c'est là qui bongoté. Le vrai problème, c'était l'argent qui venait de la prise en charge des parents. Mosolo et Banako, où et que la gratuité instaurée par le régime politique là, que là, ça a fait le gouvernement au Basalaki. Dès qu'on a seulement dit que c'est limité à l'école primaire, on va payer quelques frais. Du coup, les animateurs de la CENI, oui, le fait vert. Apparemment, on ne devait plus faire sauter. Ce n'était plus un problème. Frère, d'accord. Et c'est ce genre de religion qui serait de Dieu. Et des fois, il y a un temps, mais. Et des gens en Soutane qui font des choses. Non, il faut être naïf pour penser. Voilà pourquoi Élie devait venir. Ça la porte n'est Élie et Sengra qui coya. Pour rétablir tout ça. La corde lui ça m'a camounoso. Fuyez la politique des catholiques. Et c'est bon qui m'a beaucoup recueilli. Et bah c'est de la honte et hypocrisie. Et ça tu l'as mis dans ma cause à l'icône. Revenez au véritable évangile. Ton song à la sang, madame, on est là. On ne doit pas tromper les gens. Oui, pourquoi ça va tout être? Oh, c'est aller là-bas. Non, mais c'est là. Après, quand derrière, on reçoit ce qu'on cherche, ce que vous réclamez, vous n'avez pas obtenu. Non, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, ce n'est pas ce que se disait dans les médias. C'est ce qu'ils disaient nuitamment. Et si vous ne pouvez pas dire devant les micros, frère, nous ne voulons pas. L'évangile doit être l'évangile. Quand il est prêché, l'épreuve dans la Bible. Où est-ce que dans la Bible, l'église est allée réclamer un animateur de la famille? Pas la peine de dire. Et que les gens qui déconseillent, vous avez constaté la famille. Avec les gens, vous avez la famille. Vous avez constaté la famille. Vous avez constaté la famille. Vous avez constaté la famille. Vous avez constaté la famille. Où est-ce que Pierre et Paul ont fait les choses? Ce n'est pas chrétien. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Le Seigneur notre Dieu a dit, notre royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume des cieux. La règne de paix et de justice. La politique de ce monde est la magouille, les escroqueries, les mensonges, la malhonnêteté. Et il faut avoir des nerfs solides pour survivre là-bas. Et c'est le concernant Moutou, l'on dit même que le mensonge, c'est une question de survie pour un politicien. Et l'adage dit que le mensonge est la profession de l'avocat. Et c'est une question de survie pour les politiciens. Et c'est une excuse pour les travailleurs. Pour savoir ce qu'ils doivent mentir. Pour échapper aux sanctions. Et l'avocat, pour sauver son client, il va lui apprendre à mentir. Amen. Tokena tribunal avuka kuluba kuna ezakaboyete soko kena balusuke na wana nakusundira yo soko eske meshi oyiri moto na yebiete bakangi photo bisina photo sala basati ensemble te eza montage il faut avoir une nerf solide de fois c'est le cousin la pédale mais c'est un moto ya makasi bon c'était montage oh basangi sangi yango. Et d'ailleurs, l'avocat peut dire, si tu ne sauras pas, tu peux te faire. Comme ça, yol, bon, moi, yo. Mais c'est le juge. Votre madame le président. Les images que nous voyons là-bas. Mais c'est n'importe quoi. Ils sont allés dans un cybercafé. Avec victoire. Lui, l'avocat qui dit ça. Avocat, c'est le ne peut même pas vous citer le nom du cybercafé. Il connaît même pas. Il dit que c'est. Et le juge aussi dit oui. Moussambi, d'après la loi initiale. Le juge ici, la terre avait dit. Et le juge a qu'est-ce. Alors parole au ministère biblique. Il va commencer à lire des articles des lois. Pour montrer qu'on est en train de tromper. Donc on est en train de coller des choses à quelqu'un. Et qu'il n'y a pas de preuve. Selon la loi. Effectivement, il n'y a pas de preuve. Il y a seulement une exceptionnalité. Après, on dit acquitté. Nassima, a eu, attends, les cambotés, a eu de voter. Et maintenant, il faut recourir au trafic d'influence parfois. On est sérieux qu'on quitte à la montée de l'influence. Va lancer un coup de fil. Ce ne sont pas des milliers où il faut vivre. Voici l'endroit où je vous invite à vivre. Anel était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Et aujourd'hui encore il y a la parole. La parole restaurée. Je n'es pas content de ça. N'es-tu pas content? Mais il le faut. Élie devait rétablir toute chose. Élie est celui-là qui a joué sa macamonon. C'est ce qui nous donne cette liberté aujourd'hui. Il y a un des côtés, nous sommes plus connus. Il y a comme ça macamonon. Amen, amen. Amen. C'est cela. Alors, ce Élie-là. Élie, yango. Devait venir. C'est là qui croya. Avant le retour de Jésus-Christ. Il y a un bon avocandi. Nous l'avons examiné vendredi. Si vous voulez voir comment on le met, ça ne se peut pas quitter. On ne va pas répéter la même chose. Donc, on zongue la liste. On va comment côté le met à nous. Et beaucoup de gens vont dans le caba. Et c'est au courant qu'on connaît. Expliqué d'après. Acte 3:21. Le programme de Dieu annonce le temps. L'établissement de toutes choses. Le temps du rétablissement de toutes choses est une période de temps. C'est un certain nombre d'années que Dieu connaît. Pendant lesquelles il va rétablir toutes choses. C'est-à-dire, c'est selon ce que le Seigneur Dieu avait annoncé par la bouche de certains prophètes d'autres fois. Rétablissement de toutes choses. Et l'un des prophètes qui avait annoncé ça. C'est Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai, dit l'Éternel. Toutes les chaleurs qu'on dévorait. Le Jelek. L'Asile. La Gazam. Bagazam, et la Sauterelle. Sauterelle. Dieu parle des années. Ce qui veut dire une période de temps. Et c'est sur ces temps-là que Pierre appelle les temps de rétablissement. Et à part ces temps de rétablissement, il y a eu des temps de destruction. Année après année, un verre destructeur a détruit. Mais Dieu qui connaît la fin avant le commencement, il avait dit par Joël ici au début de son livre. Alors, on peut le lire même encore pendant qu'on est là. Dieu avait dit ici quelque chose de très bien. J'aime que nous puissions voir. Joël chapitre 1, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillard. Restez l'oreille. Vous habitez le pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Et loco ya boy, fica la cosa con la casa tango na vida. Udi tango de popé. To ya tango e la casa na mino. Racontale a vos enfants. Boko kana ko beta ngi sino bana. Et vos enfants le racontent à leurs enfants. Bana na bino baidi sabana na bango. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Bana bango na ekekewe ko ya. Gardez la mémoire de la vérité de Dieu. Boko nga penta. Ayez à l'esprit la progression de la parole de Dieu. Vos ala na kata na mutu na bino boko na bosa na bana. De génération en génération. Boko beta ni solo na bikeke na bikeke. D'après le déroulement de l'œuvre de Dieu. Voilà, on appelle la penda, mais nous avons ne soyez pas déconnectés. Ne laissez pas vos enfants déconnectés. Racontez-leur ce qu'il y a et ce que Dieu fait. Ce qu'il y a eu, ce qu'il y a et ce qu'il y a. Si vous le faites, Dieu nous invite à cet exercice. Il dit au verset 4. C'est qu'à laisser le Gazam. La sauterelle l'a dévoré. Oyo, il est quel et là qui en a. C'est qu'à laisser la sauterelle. Le Jelek l'a dévoré. Le que il y a qui en a. C'est qu'à laisser le Jelek. Le Kobitekaki, le Jelek. Le Asil l'a dévoré. Voilà, ça s'est passé d'année en année. Et les Kamaki de Namoubou, c'est Madame Souche. Et c'est même allé de génération en génération. C'était là les années de destruction. Et j'en ai qu'on a Mibou, il y a le bébé ici. Ça s'est passé pendant des années. Et l'équipe de Namoubou est belé. Pendant des générations. Mibou, c'est que belé. Et ce que le prophète annonce ici. Oh, il y a Moussa Koulé, c'est déroulé justement pendant le Nouveau Testament. Et c'est le Makinatang, la Koulé Manasika. Après la mort du premier rang des apôtres. L'église de Dieu était la cible d'un verre destructeur. Qui changeait de nom à une étape de son évolution, de sa progression. Mais c'était le même animal. C'était le même verre en réalité. Êtes-vous là? Amen. C'est comme ce que vous appelez abeille. Savez-vous que c'est une étape développée de chenille? L'abeille, les abeilles que vous voyez. À un moment donné, ce sont des chenilles. Les chenilles qu'on mange là. Mais quand ils atteignent le stade d'abeille dans leur évolution, on ne les mange plus. Ça devient toxique. Mais un âge plus jeune, ils sont comestibles. C'est vraiment protéique d'après la médecine. Et là, ça nourrit. Mais le même insecte, quand il se développe, il est chez lui à un moment, il grandit après un temps, il va se cacher dans le feu des arbres. Ou dans une niche quelque part, après il va développer des ailes. Attends, vous voyez comment ça fonctionne. Et parfois, quand la poudre de leurs ailes touche vos yeux, vous avez de la peau. Apollo. Poti. Et betio miso, ou la mouki na tongo miso fongamate. Nini wana, poudre oyo, ya masala, ya ba abeille. Voyez. Ça, ce sont des réalités. Mais c'est le même esprit. Dans cette affaire de destruction, c'est le même esprit antichrist. Et qui changeait d'appellation selon que l'âge de l'église avançait. À un moment, un autre asile. Un autre Gazam. Un autre souterrain. Mais c'était le même esprit du diable. Vous les enfants de Dieu, regardez correctement. De même qu'ils ont été détruits par un même esprit. De même l'église de Dieu sera restaurée par un même esprit. Dieu n'a pas besoin de plusieurs esprits sophistiqués. La Bible dit qu'il y a un seul esprit de Dieu. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Bienvenue à cette invitation. Recevez aussi le Saint-Esprit pour qu'il restaure en vous tout ce qui doit être restauré. Vous avez besoin d'un esprit supérieur à l'esprit de l'Antichrist. Il y a cet esprit de l'Église. Dieu a promis de restaurer. Pouvons-nous lire? Oh oui. Allons au chapitre de Joël. Et dit ceci. Au verset 21. Père ne crains pas. Car l'Éternel fait de grandes choses. Le destructeur a détruit pendant des années. Mais notre Dieu fait de grandes choses. Je veux que ta foi croisse. Et ton Dieu fait de grandes choses. Ne le limite pas des petites choses. Il fait les petites, il fait aussi les grandes. Parce qu'il peut faire les grandes. Il peut faire aussi les petites. Oh, l'adage a dit qu'il peut le plus, il peut le moins, non? C'est lui qui peut faire le plus, il peut faire le moins. Oui, Dieu fait de grandes choses. Amen. Et verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la récession comme autrefois. Il vous enverra la pluie de la première et de la récession comme autrefois. Car le Seigneur votre Dieu, il vous donnera la pluie en son temps. Sans retard. Il est fidèle et ponctuel. Ce Dieu qui fait de grandes choses. Il vous encourage à la joie. Mettez les mains sur les joues. Vous avez un consolateur source de joie. Un qui ne faillit jamais. Qui ne rate jamais ses rendez-vous. Il tient toujours sa parole. Vrai. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière comme autrefois. Le langage là comme était une comparaison. Et c'est un rappel que Dieu est un restaurateur. Il peut rétablir ce qui était autrefois. Avez-vous confiance? Alors il dit au verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelec, l'éasile et le gassam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Grande armée de Dieu que lui Dieu de son peuple a envoyé contre son peuple. Savez-vous que même Satan est soumis à la volonté de Dieu? Savez-vous que chaque démon est soumis à l'esprit de Dieu? Savez-vous qu'aucun démon ne peut transiger avec l'esprit de Dieu? Notre Dieu est un grand roi. Satan ne peut rien faire si Dieu le laisse faire. Aucun démon ni sorcier ne peut rien faire si Dieu ne permet. Dieu a pour ici que l'esprit de Christ appelé Gaza, Sauterelle, quel que soit le nom, c'est le même esprit Antichrist. Dieu qui l'a envoyé. Ne pouvant pas détruire comme Dieu, que sommet ont édifié construit, parce qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a dit, l'autorité qu'il a donnée aux apôtres, c'était pour édifier et non pas pour détruire. Ça c'est le principe dans l'évangile. Et Dieu n'a pas promis de détruire sa propre église. Mais ce Dieu-là, il envoie l'ennemi. À cause des faiblesses, des désobéissances, des rétrogradations de son église. Déjà la première église était victime. Dieu a dit ce que j'ai contre toi. Abandonner ton premier. Répands-toi donc et pratique tes premières choses. Et que l'église a écouté. Et elle a fait la sourde oreille. Non, mais Dieu va faire combien? Il vous dit ce que vous devez faire. Alors, et puis, il continue à t'enfoncer. Alors, Dieu laisse faire. Mais tu ne vas pas détruire sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. Elles pourront combattre. Mais l'église de Dieu subsistera. L'église devait conserver un tronc de vie. Une source de vie en elle-même. À partir de laquelle Dieu devait régénérer l'église. Mais c'était impossible. De même que le corps de Jésus-Christ. Et mon corps, nous autres, il est Jésus-Christ. Même sous terre, ça ressemble. À sa couna, à sa mabélé, les limites. Et qu'on est pour la paix. De même l'église du Dieu vivant. Et le mot que l'église n'a pas de bon. Acculé, dépouillé presque. À sa couna, c'est mieux que ma communion. Et bien conserver la vie. Et qu'on dit qu'on en a pas mort, il n'a qu'à tu. Qui dit amen. Non, c'est pas de bon mot. Dieu est fidèle. J'aime mes amis, c'est beau. Alors vous n'avez pas le droit de désespérer. Mais il y a un petit côté qu'on a connu. Il n'y a pas. Comme fils d'Abraham. Le col à mon bali, moi, c'est pas mon bali. Vous devez espérer, même là où il est interdit d'espérer. Et je vais lui dire, attends, mais je sais que c'est parce que nous avons connu qu'à terre. Parce que notre Dieu, il est la résurrection et la vie. Peut-être que nous avons connu, mais si ton père, mon c'est lui qui vit et croit en moi. Moi, je vais connu la première fois. Ne mourra jamais. À ton coup, la vie ne peut pas être retirée complètement. Bon, bon, écoutez, qu'on s'en met dans le bimba. Il y aura toujours une portion qui respire. Et qu'on s'en attend, on s'en a éteint l'écotique. Et c'est à partir de cette souche-là. Non, éteint l'écotique. Et Dieu va régénérer l'arbre de l'écotique. Il va la reconstituer. À côté, la rétablir, la restaurer. Et elle portera de nouveau des fruits au temps de la fin. Père, la femme, la souche, et comment ta bambouma. Ce qui aime Dieu dit, alléluia. Alléluia. Dieu est incomparable. Bambe à son règne à mon toupé. Sa manière de faire est exceptionnelle. Le lien à côté là. C'est ainsi qu'église ne désespère jamais. Bon, moi, vous devez toujours espérer, même là où il est interdit d'espérer. Comme Abraham, votre père de la foi. L'école Abraham, ça fait que ça fait. Quand vous parlez, vous servez un Dieu. Il appelle les choses qui sont. Vous avez compris que vous êtes elles ne sont pas. L'école est déjà cassée. Et qui appelle celles qui ne sont pas. Vous avez compris comme elles sont. Donc, il y a une autre chose. Lui, il y a la vie. Le pouvoir est vaincu. Bénissons son nom chaque jour. Son nom est pas mon amour. Amen et amen. Amen, amen, amen. Quel est son nom? Quel est son nom?